Ouais, ouais. Ouais. Pour nos compères, rap, conquête, flamme, concept. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Pour nos compères, course, force, rap, conquête, flamme, concept. Bastonnade. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. On veut que je parle de fête, de tout, de réel fesse, de sexe. Ce qui fait vendre, mec. Pourquoi veux-tu que je me voile la face? On vit tous de fric sale, d'alcool, fumée, de pétasse. Vous avez construit un monde dans l'argent, la haine, le sexe et la drogue. Et vous plaignez que le moment consomme depuis leur plus jeune âge. Vous avez fait une longue marche d'erreur. Et je parle en connaissance de cause. C'est pour ça que nos quartiers font peur. Ça devient de plus en plus rude, des innocents pleurent. Et vous dites que la délinquance augmente et qu'à présent c'est zéro tolérance. On s'en fout, on ira jusqu'au bout. C'est à la mort que tout commence. Seul Dieu peut me juger et me donner ma sentence. J'espère vivre vieux que je me repentisse tous mes péchés. Je lève mon bras pour tous qui nous ont quittés. L'ange la mort ne prévient pas dans ce monde où l'on court après le temps qu'on ne rattrapera jamais. On gémit sous nos couettes en pensant au lendemain qu'on ne verra peut-être jamais. Un jour tu gagnes, un jour tu perds. On vit au jour le jour. Un jour tu pleures, un jour tu ris, un jour tu vis, et non tu pars. Pour nos compères, rap, conquête, flamme, concept. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Pour nos compères, course, force, rap, conquête, flamme, concept, bastonnade. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Course, poursuit. Nos empreintes à peine marquées. Dans un bise, tarpé marqué. Contraverse, sans écarter. Les putes diront, sérieux, psartek, psartek. Rap de performance comme le sport. Donne le score, donne une forme au conseil. Explicite fonce pour affranchir l'esclave. Des textes larges, consommateur, protagoniste. Pourtant je me sens âge. Mec, faudra se battre, black, black. Faut qu'on passe par la hala. Même le carnage par par, j'assure, on black pas là. S'il faut habiller Pierre, un déshabillé en Paul. Au contrôle de mon rôle, avec pour un mon stylo, ma drogue. Mon souhait, plein de petits frères, un homme de terrain, notre fils unique. Cracher le bitume, l'urgent et tout ce qui rumine, rapper jusqu'à sniquer les vertèbres. On veut nous faire taire, chop l'espèce pour que l'on s'exerce. Cousin sur ma vie, souvenir du passé, souffle du présent, souci du devenir. On se raconte qu'on sneak entre gens ensevelis. Le rap c'est fait de résultats, faut faire du chiffre. Pro ou amateur, de la part de l'ombre, bien comme ambassadeur. Tout le monde veut se mettre taille et libre du rap ivre. Tout ça depuis que le rap fait vivre. Pour nos compères, rap, conquête, flamme, concept. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Pour nos compères, course, force, rap, conquête, flamme, concept, bastonnade. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Ouais. Imagine néant, on se tape front client, bluff front compliment, pêche gentiment, pin, mouvement chaîne, guerre imprime. Eh, pour vouloir tout ça en but, tout ça une vie merde. Vais comme ça stagne, la droite, tout part en couille, tout bascule, rien va, à part mon son indigène. On défonce tout sans prétention ni offensé. Certaines gènes foncées, dribblées au point où ça te dépasse. Corps pour ta suite, marche à l'homme, une chasse à l'homme commence. La marche millénaire, une filière pour marquer siècle, mec. Explose comme une grenade. J'ai mes promoteurs drogue, stop. Cours si t'as tort, y'a ma clé qu'à bord, stop. Fait, t'aimes ou t'aimes pas? Quoi? Quoi? Tu crois que je vais me priver d'écrire à effrayer en les ou parler au sommet, hein? Shoot star reste à consommer. Pour nos compères, rap, conquête, flamme, concept. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Pour nos compères, course, force, rap, conquête, flamme, concept, bastonnade. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Pour nos compères, rap, conquête, flamme, concept. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Pour nos compères, course, force, rap, conquête, flamme, concept, bastonnade. Là où l'âme score, force à force, que moi et mes gars veulent. Donne le score, l'adore, nos soldats veulent du score. Depuis sorti du shoot star, de couche tard, de couche tard. Depuis sorti du shoot star, de couche tard, de couche tard. Bouge tard,